Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie romantique avec Julia Roberts. Après un divorce difficile, Liz décide de prendre une année sabbatique et de changer de vie. Elle entame alors un périple initiatique qui va l'emmener au bout du monde et d'elle-même. Tu auras une vie longue, très remplie. Avec beaucoup d'amis, tu perdras tout ton argent, n'aie pas peur. Tu la récupéreras entièrement. Un jour, tu reviendras à Bali. Et alors, je t'apprendrai tout ce que je sais. Maman, quand as-tu fini par accepter la vie que tu as? Ma petite puce, toujours à courir après quelque chose. T'as remarqué que les gens finissent par ressembler à leur chien? T'as ressemblé à Steven? Là, tu as quelque chose de David. Il faut que je change. Je m'aperçois que depuis que j'ai 15 ans, je suis soit en couple, soit en pleine rupture. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours, pour me pencher sur mon cas. Tu veux partir une année entière? Avant, j'avais un vrai appétit de vivre. Et là, j'ai plus goût à rien. J'ai envie de partir quelque part où je pourrais m'émerveiller devant quelque chose. Je vais en Italie, puis en Inde, et je finis l'année à Bali. Mange, prie, aime. Adaptation du best-seller autobiographique d'Elizabeth Gilbert avec Julia Roberts, un DVD Sony SPHE.